on peut tomber dessus. Dans coq ou dans coquelicot, cul on peut tomber dessus. C'est une lettre et un mot rigolo. Cul est souvent confondu avec O ou bien zéro. Cul est souvent confondu. Cul c'est un O qui fume un mégot. Cul c'est un O qui fume un mégot. Cul c'est un O.